Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, de démontage du McDonald's de Millau ou la bataille du Roquefort contre le hamburger. Le 12 août 1999, les éleveurs de brebis démontent un fast-food en construction dans l'Aveyron sous le regard impuissant du propriétaire de la franchise. Leur revendication, la fin de l'embargo américain sur le fromage de Roquefort. Un paysan de 36 ans, pipe à la bouche, micro en main, prend la parole devant journalistes et manifestants. Ce n'est pas contre une entreprise locale et son patron que marteau et tracteur ont été mobilisés aujourd'hui, non. C'est contre la malbouffe, la standardisation alimentaire et la mondialisation. Encore peu connu, ce représentant du syndicat militant de la Confédération Paysanne, un dénommé José Bové, va devenir porte-parole internationale de la lutte contre le libéralisme à outrance pratiqué par l'Organisation Mondiale du Commerce. L'ancien du Larzac n'a pas encore conscience à ce moment-là que l'événement auquel il participe lancera le mouvement altermondialiste en France. Notre invité aujourd'hui, José Bové, précisément. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Constance Villanova, coordination Christophe Barrère, réalisation Lauriane Toulmont. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Juillet 99, Sainte-Afrique, petite commune occitane. Dans la chaleur écrasante de l'Aveyron en été, installé confortablement sur la terrasse du café chez Tintin, cet éleveur de brebis, cigarette au bec pour les uns, pipe pour les autres, démarre leur habituelle réunion syndicale. Beaucoup de colère aujourd'hui pour ces membres du syndicat des producteurs de lait de brebis, SPLB, un satellite parfois indiscipliné de la militante Confédération Paysanne. La CP ou la CONF, en dehors des milieux ruraux, ne la connaît pas très bien en juillet 99. Né en 1987, contre l'ultralibéralisme, ce syndicat agricole de gauche défend une agriculture paysanne respectueuse de l'emploi et de la qualité des produits. Une agriculture du bon sens, finalement. Et c'est justement de souveraineté alimentaire dont il est question chez Tintin ce jour-là. La nouvelle est tombée il y a quelques jours. Pour protester contre l'interdiction par l'Union européenne d'importer de la viande de bœuf aux hormones actée en 1989, les États-Unis viennent de décider de surtaxer le Roquefort. Une taxe de 100% sur la plus vieille appellation d'origine contrôlée fromagère de l'Hexagone. C'était oublié qu'en France, le fromage est vache sacrée. Troisième importateur après l'Allemagne et l'Espagne, le marché américain absorbait jusque-là 2% de la production du fromage français. Un marché outre-Atlantique que les éleveurs ont mis 70 ans à conquérir. Cette taxe punitive pénalise donc les 5000 familles d'éleveurs de brebis. Sur 18 500 tonnes de production de Roquefort, 440 étaient destinées aux Américains. Et voilà l'un de nos fromages les plus connus, otage de l'oncle Sam. Alors, la réunion s'anime, les cigarettes s'enchaînent. Parmi les participants, un certain José Bové, porte-parole du SPLB, un ancien du Larzac des années 70. Un mois plus tôt, il a détruit avec des paysans indiens des planteries transgéniques dans une serre du Centre de coopération internationale en recherche pour le développement. À 36 ans, sa moustache bien fournie lui donne des airs d'Astérix, oui, prêt à résister à l'envahisseur américain, accompagné de ses irréductibles Gaulois. La décision est prise le 12 août prochain. Si l'embargo sur le Roquefort n'est pas levé, quoi de plus pertinent que de s'attaquer à un restaurant McDonald's, symbole de l'Organisation Mondiale du Commerce et de l'Alimentation Industrielle des États-Unis. Ce sera le McDo de Millau, en construction, à 30 km d'ici. Et attention, pas d'action violente. Un démantèlement, oui, mais festif et bon enfant, avec dégustation de Roquefort, pour prouver aux Américains qu'ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Chez Tintin, on trinque, la décision est prise. Le 12 août à 11h, puisqu'aucun Roquefort n'a traversé l'Atlantique, eh bien, avec les caméras pour témoins, plusieurs centaines de manifestants se retrouvent sur le chantier du fast-food, outils en main. José Bové, s'empare alors du micro, un outil aussi redoutable qu'une pelle ou une pioche, disons complémentaire. La cible, un restaurant en construction de la chaîne McDonald's. Plusieurs dizaines de personnes, essentiellement des producteurs de lait de brebis, ont saccagé le chantier. Les manifestants, proches de la Confédération paysanne, entendaient ainsi répondre à la décision américaine qui impose 100% de droits de douane sur le fromage de Roquefort. Rétorsions douanières qui ont fait suite à l'interdiction européenne d'importation de bœuf aux hormones américains. Et on s'attaque aujourd'hui à McDo, c'est parce que McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. Et les forces de l'ordre attendaient les 300 manifestants, citadins et éleveurs, de pied ferme. Pas étonnant, l'annonce officielle du démantèlement a été publiée dans la presse et la CONF ainsi que le SPLB ont distribué des tracts plutôt pour appeler les agriculteurs à l'action. Les renseignements généraux appellent alors les instigateurs pour leur proposer de démonter une pancarte ou le clown Ronald McDonald's à la place du restaurant en construction. Plus symbolique, disent les RG. Sans surprise, c'est niette. Pour autant, pas d'altercation le 12 août, non. La police n'empêche pas les agriculteurs d'entrer sur le chantier et de pénétrer dans le futur restaurant, même s'il faut briser une porte vitrée. Les militants gravissent ainsi le toit du futur royaume du Big Mac, île de couronne de slogans divers, McDo Go Home, OGM non, et le plus fameux, en Rouerga, dialecte de l'occitan languedocien, McDo Defora Gadarem Roquefort, traduisé McDo dehors, gardons le Roquefort. Particularisme régional contre standardisation américaine, un combat de civilisation. Pendant que les producteurs de lait de brebis distribuent aux passants des tartines de fromage, des matériaux sont extraits du chantier et déposés devant la préfecture, le tout sous les yeux éberlués de Marc Dehany, directeur du futur McDonald's, interviewé par France 3, mais interrompu par un José Bové en rogne. Aujourd'hui, moi, les problèmes communautaires et internationaux au niveau commerce, ça me dépasse complètement. Moi, je suis un chef d'entreprise local ici qui doit recruter 35 personnes. Oui, qui a reçu une quarantaine en bas et qui fait travailler aucune entreprise locale pour qu'on soit sans McDo. Alors, allez voir le panneau. Hein, oui, bah, justement, tout le monde a vu le panneau. McDonald's hurle au scandale. Oui, du matériel a été volé, brisé. Certes, les dégâts s'élèvent à 120 000 francs. Mais l'ouverture n'est pas retardée. Et les Millavois pourront se gaver le cheeseburger à la date prévue. Alors, saccage violent ou démantèlement pacifique? Dans la presse, la guerre sémantique fait rage. En donnant d'abord la parole au gérant de la franchise américaine, la machine médiatique se met en route. Et avec elle, son lot de réactions négatives. Les rédactions évoquent des militants d'extrême-gauche et reprennent scrupuleusement la liste des dégâts donnés par le gérant. Même au sein de la Confédération paysanne nationale, certains adhérents accusent leurs camarades avéronnés d'être allés trop loin. Le 19 août 1999, à la radio, José Bové apprend que 4 de ses acolytes de l'action de Millau ont été interpellés pour dégradation en réunion, complicité de dégradation, menace de destruction ou détérioration. Le gérant a porté plainte, José Bové sous mandat d'arrêt, son téléphone est sur écoute. Après avoir confié son troupeau de brebis de l'Arzac à son associé, ni une ni deux, l'éleveur se rend à la justice le jour même, devant 500 manifestants et de nombreux journalistes. Aller en prison me fait peur, bien sûr, mais je suis prêt à l'accepter et ma famille aussi, déclare le militant face caméra. José Bové est transféré illico à la maison d'arrêt de Villeneuve-le-Maguelone. L'image du moustachu privé de pipe, mais souriant, en chemise à manches courtes, les poignets menottés et levés, encadrés de policiers, l'image est forte, elle fait le tour de l'Hexagone. Le 20 août, ses 4 camarades militants sont libérés. Pas un martyr, José Bové, non. Mais son charisme et sa cause lui valent la sympathie de l'opinion publique. Son arrestation et celle des autres éleveurs de brebis choquent. Quand les bureaux de Dominique Voynet, ministre de l'Agriculture, avaient été saccagés en février 99 par des membres de la FNSEA, syndicat ennemi de la CONF, la justice était montrée plus clémente. L'argument d'une justice à deux vitesses devient donc l'étendard du soutien aux inculpés. Et puis, Bové a le sens de la formule. Avec lui, c'est désormais contre la malbouffe qu'il faut lutter. Un combat qui touche non seulement les producteurs, mais aussi les consommateurs, de plus en plus inquiets de ce qu'ils trouvent dans leur assiette. Un débat très contemporain. À l'aube de l'an 2000, en effet, la qualité de l'alimentation pose question, surtout après l'épidémie de vaches folles qui a éclaté 4 ans auparavant. Le Robin des Bois du Larzac, inconnu au bataillon quelques semaines plus tôt, devient le héros de la lutte contre la mondialisation, la star d'un été. Les manifestations en soutien aux inculpés de Millau se multiplient. Avec elles, les consciences altermondialistes contre un capitalisme apatride se réveillent, comme le prouvent les revendications exposées au micro de Laurent Canonico de ce producteur de lait qui manifestait le 31 août 1999 à Lyon. C'est un acte très symbolique parce que McDonald's est présent partout. Ce n'est pas les responsables du McDo local qu'on veut atteindre. Et deuxième chose, parce que le type de nourriture est en cause, et c'est bien le type de nourriture américaine en fonction des modes de production industrielle qui ne nous convient pas du tout. On prône que la traçabilité en France actuellement, même le ministre prône la traçabilité. Et qu'est-ce qu'on a en face? On ne sait pas d'où vient la viande. On ne sait pas comment est produite cette viande, on utilise des organismes génétiquement modifiés et maintenant on veut nous faire avaler des hormones en plus. Le cercle de relations de José Bové et de la Confédération se trouve à l'intersection de plusieurs mouvements anti-mondialisation. Parmi eux, les anciens du Larzac, des ONG comme Greenpeace ou ATTAC, mais aussi des liens avec les Verts ou des syndicats de gauche comme la CGT ou Sud. Des mouvements qui font office de caisse de résonance à l'action de Millau. Fin 99, le message est passé. Combattre McDo, c'est lutter contre l'OMC et la libéralisation des échanges. La taxe punitive américaine touche d'autres produits comme le foie gras ou la truffe. Alors à Toulouse, à Rennes, à Lyon, à Grenoble, on campe devant les fast-foods américains pour y distribuer des produits terroirs, antithèse de la malbouffe. Le mouvement anti-McDo, initié par le politologue et essayiste Lionel Paul Arias quelques mois plus tôt, prend ainsi de l'ampleur, restant toujours aussi bon enfant. Reportage, par exemple, dans Soir 3, 15 jours après le démantèlement. À qui vous voulez qu'on parle ? Le décor est planté, le ton est donné, aucun mot ne sera assez dur pour dénoncer les restaurants McDonald's. Ici à Lyon, mais c'est pareil à Nantes, Grenoble ou Saint-Étienne, les adhérents de la Confédération paysanne soutiennent leur leader José Bové. Et dans une quinzaine de villes, les défenseurs français du Roquefort, du foie gras et des truffes, dénonçaient aussi la taxation à 100% de ces produits sur le sol américain. Là aussi, McDo était voué au bûcher, avec distribution de tracts, placardage et barbecue pour promouvoir une autre agriculture. Des bons produits du terroir et quelques fromages de brebis biologiques. Alors qu'à Grenoble, le leitmotiv est identique, il faut libérer José Bové coûte que coûte. Le 2 septembre 1999, la justice autorise la sortie de prison de José Bové, mais contre une caution de 105 000 francs. Scandale à gauche. La pratique est courante aux États-Unis, mais en France, elle se limite aux gros dossiers financiers. Pour les militants de la conf qui ont déjà payé pour libérer les 4 copains le 20 août dernier, c'est une répression contre le syndicat qui s'exprime là, avec cette décision judiciaire. Pour fixer le montant de la caution, le juge d'instruction doit prendre en compte les ressources de la personne mise en examen. Dans le cas Bové, les magistrats de la chambre d'accusation de Montpellier semblent s'être seulement alignés sur le montant réel des dégâts qui s'élève, rappelons-le, à 120 000 francs. Une décision disproportionnée, mais qui donne au capital sympathie de José Bové une dimension supplémentaire. La Confédération paysanne et le comité de soutien aux inculpés sont submergés d'emails, de lettres, de fax et de coups de fil de soutien aux militants Bové. Des particuliers envoient des chèques de 100 à 10 000 francs. Contrairement au Roquefort, les dons traversent l'Atlantique, puisque des agriculteurs américains, mais oui, proposent de participer au paiement de la caution. Alors que Jean Glavany, ministre de l'Agriculture, se félicite de la décision de justice, José Bové, l'irréductible, décide de rester en prison. On n'achètera pas sa liberté. Le 2 septembre, pour Soir 3, Maître Roux, dépêché par la Confédération paysanne pour défendre José Bové, explique la décision jusqu'au boutiste de son client, tandis qu'Alice Monnier, l'épouse du militant, réagit au micro d'Hervé Gonchot. À l'intérieur de la maison d'arrêt, José Bové s'entretient avec son avocat. À la sortie, Maître Roux annonce la décision de son client. Si la défense d'une agriculture propre Et la défense d'une agriculture de qualité passe par la prison, il restera en prison. On veut faire craquer les gens, bon ben le résultat c'est que ben, José préfère rester en prison, je suis d'accord avec sa décision. Alors que José Bové choisit la prison plutôt que la caution, le lendemain, 3 septembre, le président de la Confédération de Roquefort, Éric Boutry, déclare qu'il est prêt à payer pour la libération de l'éleveur. La Confédération paysanne accepte mais pose une condition. Les 105 000 francs doivent être versés au comité de soutien aux inculpés et pas directement à la justice. Au même moment, chez McDo, la riposte s'organise. Le 6 septembre, le patron du restaurant d'Agen, aidé par des agriculteurs de la FNSEA de la région, réplique au discours anti-mondialisation. Au menu pour cette journée spéciale, Big Mac au foie gras et magret de canard, cheeseburger au pruneau et au roquefort. Au comptoir, les membres du syndicat ennemi de la conf commandent leur sandwich mi-amerloc, mi-franchouillard, sourire aux lèvres, ravis. En coulisses devant sa friteuse, l'un des cuistots confesse que les produits utilisés pour ce déjeuner seront trop chers et trop difficiles à cuisiner à grande échelle. Bref, c'est ce qu'on appelle un coup de com'. À l'échelle nationale, la firme américaine lance une grande campagne de dédiabolisation dans les pages de la presse quotidienne régionale, genre « McDonald's, premier partenaire des agriculteurs français » ou encore « McDonald's, créateur d'emplois ». Mais rien n'y fait. La colère contre l'enseigne grandit. Tout comme le soutien José Bové, qui le 7 septembre accepte le cadeau de l'interprofession de Roquefort. Sous les flashs qui crépitent et les caméras dépêchées pour l'événement, le militant désormais célèbre est libre. Après 20 jours d'incarcération, José Bové est libre. À la sortie de la prison, sa femme et sa fille. Quelques embrassades, mais rapidement, il les abandonne pour reprendre son discours de leader paysan. Les gens qui étaient en prison avec moi m'ont dit « C'est bon, t'as gagné là, c'est pas la peine de rester. Il faut mieux que tu sors. » Ce qui domine maintenant, c'est la satisfaction de s'être battu pour une cause juste, qui était le refus de l'embargo américain sur le Roquefort. Aujourd'hui, je suis allé en prison pour cela. Le combat s'est élargi. Aujourd'hui, nous avons les moyens de remettre en cause la fonction de l'Organisation mondiale du commerce. C'est à cela que nous nous attelons. Dans la presse, le président de la République, Jacques Chirac, et son premier ministre, Lionel Jospin, félicitent à demi-mot le combat du représentant de la Confédération paysanne. Oui, oui, l'Europe doit défendre ses intérêts face à l'Organisation mondiale du commerce. Et justement, de septembre à novembre 1999, le démantèlement est revendiqué avec acharnement par la Confédération paysanne pour illustrer son combat contre les grandes firmes internationales et leur ultralibéralisme. Le monde n'est pas une marchandise. Avec ce slogan de la conf, peu connu avant Millau, en tout cas en dehors des milieux paysans, gagne du galon et des adhérents, ainsi que le soutien d'intellectuels, de cinéastes et d'artistes. 6 mois avant le démantèlement de Millau, José Bové a fait séquestrer 3 fonctionnaires de la préfecture. Le verdict de son procès tombe le 27 octobre. Il est reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Rodez, avec 8 membres de la Confédération paysanne, de violence en réunion, mais dispensé de peine. Fin novembre, il s'envole vers les États-Unis pour manifester contre le sommet de l'OMC. Direction Seattle, avec Alain Soulier, porte-parole de la conf, et Alain Dufour, cofondateur d'Attaque France. En soute, 350 kilos de roquefort pour en faire cadeau aux manifestants sur la côte ouest. 10 jours à sillonner l'Amérique à la rencontre des éleveurs, fromage de chèvre en bandoulière. José Bové prend la parole aux États-Unis le 27 novembre, devant des milliers de personnes, brandissant un roquefort. Plus de doute, en France et à l'international, le représentant de la Confédération devient la figure de proue de la lutte contre la mondialisation. Dans son édito, Le Monde, du 5 et 6 décembre, évoque la victoire de Seattle pour les ONG outre-Atlantique. Au pays du Roquefort banni, le New York Times met le moustachu à la une en titrant « Les Français découvrent un héros de la guerre contre la McDomination ». Depuis sa sortie de prison, José Bové ne cesse de battre le pavé. Dans les rues de Davos, fin janvier 2000, ou en Inde, pour participer au congrès du groupement international de paysans militants Via Campesina, il est partout. c'était la folie autant que je m'en souvienne. On voulait pas bosser pour qu'on nous retienne. Il eût fallu derrière nous s'attoper qu'à la course. Mais en tout cas rien n'a coulé de source. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Juste le lendemain se regarder dans une glace. Faut le dire, on a fait ça pour faire la fête. Et se le dire, cette folie on a faite. L'évidence n'était pas chez la voisine. Vous voulez chanter, eh ben qu'est-ce que maintenant. Il fallait qu'on s'y risque car c'est l'usine qui ouvre ses bras en criant. C'est donnant, donnant. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement, se regarder dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, cette folie on l'a faite. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non, non. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non, non, non. Et c'est ainsi qu'on est parti sur les routes. Les kilomètres auraient mérité, tu t'en doutes. Le mot respect ou qu'on nous donne un diplôme. Parce qu'on n'était pas dans un beau sous-marin jaune. Croyez-le, y'a pas eu de miracle. On n'a pas fait demi-tour au premier obstacle. On n'a pas fait demi-tour et pour cette place. Sous le déluge, on a roulé sans essuie-glace. On a caché ce qu'on avait de plus précieux. La cagoule et puis les bottes de sept lieux. On mouillait le maillot tout à la fois. Être trimard et saltimbanque, tu le crois. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement, se regarder dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, cette folie on l'a faite. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non. Y'en a pas, y'a pas, y'a pas d'arrangement. L'autre jour j'ai même dit à Mousse, il faut leur dire plus de couscous. Moi en tout cas je peux plus rien avaler. Les cassoulets, les taboulets, tous les poulets, poulets. Je me souviens on était tellement pliés. On a envié deux secondes le monde ouvrier. Allez rouler si t'as plus dans le ventre. On vient, on met le feu et puis on rentre. La vie de bohème peut se résumer ainsi. Je me promène avec madame pharmacie. Camol, Doliprane et Sagidal sont les trois mamelles des tueurs de balles. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement, se regarder dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, cette folie on l'a faite. Y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Pendant ce temps, à Millau, dans le petit local du comité de soutien aux inculpés du McDo, des coups de fil et les réunions s'enchaînent. Le procès des 10 arrive à grands pas et les bénévoles sont parvenus à lever 6 millions de francs pour organiser une fête. À l'appel de nombreuses organisations syndicales, politiques et associatives, des dizaines de milliers de personnes sont attendues le 30 juin. Au programme, faux procès joué par une troupe de théâtre de rue devant le tribunal, concert de Francis Cabrel, Zebda et Noir Désir. Même Jacques Godefrin, le député-maire RPR de la ville, semble vouloir profiter de l'événement pour le rayonnement de Millau. Le 30 juin au matin, pour France Inter, Alexandra Benseïd raconte la conférence de presse donnée par les inculpés de Millau, mise en scène façon superstar. C'est une communication très théâtrale. Ce matin, tous les journalistes français, belges, suisses, américains, mais aussi japonais, ont été invités à prendre le bus direction une petite ferme à quelques kilomètres de Millau pour une conférence de presse des prévenus, dont José Bové, entouré par des fans comme Michel, un Normand déguisé en Astérix. Moi, je suis Obélix, Astérix, et lui, c'est Obélix. Voilà. Parce qu'il a un cœur gros comme ça, et c'est avec ça qu'il va faire fondre tout le mensonge mondial des médias. Voilà, la vérité sort de la bouche des paysans de France. Voilà, et on sera plus nombreux qu'à Seattle. Présent à la conférence de presse, des soutiens pour le moins hétéroclites s'affichent. Raphaël Aléria, porte-parole de Villa Campesina, tout droit venu du Honduras pour le procès, mais aussi Monseigneur Gaillot, relevé de ses fonctions d'évêque d'Évreux 6 ans plus tôt pour ses prises de position très militantes et contraires aux dogmes de l'Église de Rome. Au concert, on pourra aussi apercevoir le dessinateur de Presse 4 buts, le sociologue Bourdieu et le polémiste Cavanin. Les 10 prévenus finissent par quitter la ferme pour rejoindre le tribunal de Millau, juché sur des tracteurs agrémentés de banderoles comme Bill Garde-Tombeuf ou le fameux Garda même Roquefort. José Bové, héroïsé, acclamé aux dépens des autres prévenus, il n'était tout de même pas le seul à démanteler le fast-food le 12 août 1999. Sur place pour la manif, le réalisateur Éric Pitard, mort en 2013, décide de réaliser un documentaire intitulé « Coup de soleil sur Millau ». Il prête sa caméra à un inculpé, à un membre du groupe Zebda et à Ahmed, un jeune Millavois. Jugé un peu trop contestataire par France 2, le documentaire sera diffusé à 00h45 sur la chaîne le 9 décembre 2011, on ne sait jamais. Les grands mouvements d'émancipation, la désobéissance civile peuvent faire école, alors les médias nationaux jouent la prudence. Dans cet extrait du documentaire, produit par les films d'ici, on retrouve le collégien Ahmed, caméra en main quelques heures avant l'audience. Il interroge alors Jean-Émile Sanchez, éleveur de brebis, futur porte-parole de la conf. Je sais pas si c'est pour ça qu'il combattait José Bové, non ? Non, mais il n'y a pas que José Bové qui oui, combattait. Oui, toi aussi. Toi... Ah, voilà. Donc on va arrêtez de gonfler avec ça, s'il vous plaît. C'est pas le procès de José Bové, comme on dit partout. Non, pas du tout. Des 10 inculpés. A été inculpé, voilà. Et derrière nous, c'est tout un mouvement. Et pourquoi José Bové ? Ah, parce que c'est lui qui a été le plus médiatique, parce que c'est lui qui est resté en prison plus longtemps, et voilà. Ouais, et puis la presse aime bien personnaliser les choses et non pas dire que c'est un grand mouvement. Et José Bové, c'est pas un joli nom. C'est pas, hein ? Il ressort pas bien, José Bové. Ah, s'il ressort pas bien ? Ah, tu crois que c'est parce que ça sonne bien comme nom ? Ouais, parce que José Bové. Non, mais c'est pas le problème, tu m'as pas compris, t'as pas écouté ce que je t'ai dit avant. C'est pas le problème que ça s'appelle José Bové, Jean-Émile Sanchez ou Christian Rouquayrol ou un autre. C'est le fait que c'est le procès de 10 personnes et qu'à travers ces 10 personnes-là, c'est tout un mouvement qu'on va juger le 30 juin. Tensions internes ou pas chez les auteurs présumés du démantèlement, le procès s'annonce long. 17 témoins cités par la défense vont être entendus à la barre pour enchaîner discours engagés et profession de foi altermondialiste. Pas sûr que cela passe auprès du juge. On reproche à l'un d'avoir démonté le panneau de Chantilly McDo, à l'autre d'avoir peint des slogans. Mais celui qui risque le plus, c'est évidemment José Bové, qui depuis quelques années, avec ses actions de fauchage, va de procès en procès. Ce qui est certain, c'est qu'il ne plaidera pas coupable, parce que son action, dit-il, est illégale, mais légitime. Toujours dans le documentaire d'Éric Pitard, les avocats dépêchés par la conf préparent témoins et prévenus dans une petite salle à l'écart des tumultes du centre-ville. Et ils rappellent que ce procès doit être celui de la mondialisation. Dans un hôtel de la ville, les inculpés et leurs avocats mettent au point les derniers détails de la défense. Parmi les témoins, là, hein. Bon, contrairement à ce que j'avais indiqué, les témoins, alors nous avons fait les citations à parquet, et toute la procédure est régulière, ils n'ont pas à aller chercher, c'est pour Paul que j'ai dit ça, ils n'ont pas à aller chez l'huissier chercher quoi que ce soit. Hein? C'est-à-dire qu'il faudrait, moi je ne sais pas ce que vous allez faire, mais je crois qu'avant de participer, de dire... ce que vous avez fait, peut-être serait-il bon que vous exigiez de dire pourquoi vous êtes venu. Moi, je ne pense pas qu'il faille chercher le conflit trop vite. Il va vous demander de parler des faits. Vous parlez des faits, mais vous enchaînez immédiatement, je crois que c'est le livre, en disant « mais je les revendique et je vais dire pourquoi je les revendique ». C'est 30 juin 2000, dans la chaleur estivale de Millau, les rues deviennent un cirque en attendant le concert du soir. Des CRS sont évidemment dépêchés devant la salle d'audience et devant le McDo. Mais au bout du compte, en tout cas pour l'instant, pas de tension, non, l'ambiance reste familiale. Rien ne prédestinait la conf, syndicat minoritaire qui défend une catégorie de salariés en souffrance sociale, à attirer autant de monde. Le rassemblement du 30 juin et du 1er juillet 2000 est bien la preuve que l'affaire du McDo de Millau a participé au développement du mouvement altermondialiste en France. Pour France 2, le journaliste Éric Mézy suit les citadins venus en train de nuit, mais oui, spécialement pour cette grande fête altermondialiste. Paris entre en garde. Pas mécontents d'être arrivés les citoyens. La plupart ont mal dormi dans les couloirs ou à 8 dans des compartiments pour 6, bref, là où il restait de la place. Sac à dos et duvet sous le bras, ils sont prêts à affronter une rude journée de militants pendant laquelle il faudra s'amuser et s'informer. Vous allez aller au forum, vous ? Oui, bien sûr. On va pas les manquer, hein ? Non, c'est important. C'est très important. C'est une journée qui devrait être bien. Voilà, on n'a pas passé la nuit dans le train pour rien. Et c'était héroïque. Le campement est à 8 km mais c'est un havre de paix avec rivière et ombre. Le temps de manger un morceau et de refaire le monde avec des amis de rencontre. Et c'est aussi l'ébullition. Les membres du groupe Zebda participent avec Bertrand Cantat à des débats politiques devant les journalistes. Cabrel est accueilli sur scène par 100 000 personnes, un Woodstock au goût de Roquefort. La veille du deuxième jour d'audience, les inculpés de Millau sont appelés à monter sur scène et José Bové prend la parole. Ce soir, c'est le plus grand rassemblement qui n'a jamais été fait en France, qui n'a jamais été fait dans le monde pour dire « Nous refusons aujourd'hui d'être transformés en marchandises. C'est grâce à vous !» À l'issue de l'audience du 1er juillet 2000, le procureur de la République demande une peine de 9 mois de prison, dont 6 avec sursis pour José Bové. Pour les autres participants au démantèlement, ce sont des amendes doublées de peines de sursis plus légères. Le 14 septembre, le tribunal correctionnel de Millau a la main lourde. En début d'après-midi, José Bové est condamné à 3 mois de prison ferme, un délibéré qui va bien au-delà du réquisitoire, censé faire entendre raison à celui qui aurait agi comme instigateur, ce que tous les prévenus auraient fermement contesté lors de l'audience, d'ailleurs revendiquant tous le même niveau de responsabilité. Sur les 10 de Millau, l'un est relaxé et les autres condamnés à des amendes variant de 2000 à 3000 francs. 3 d'entre eux, dont Jean-Émile Sanchez, se voient infliger 2 mois d'emprisonnement avec sursis. Le 6 février 2002, la Cour de cassation rejette le pourvoi de José Bové formé au sujet de sa condamnation à prison. Le défenseur du Roquefort, face au Big Mac, purge le reliquat de sa peine de 3 mois d'emprisonnement du 19 juin au 1er août. Si le McDonald's de Millau trône toujours au bord d'une départementale, l'action du SPLB a fait définitivement prendre conscience que la mondialisation est entrée dans nos assiettes. Et en 2011, la taxe sur le Roquefort est enfin levée. Mais aujourd'hui, entre l'accumulation des scandales alimentaires et avec les accords de libre-échange qui fleurissent, la standardisation demeure irrémédiablement actée. Et puis, le terroir peut-il encore faire face aux mastodontes que sont les multinationales ? France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Haro sur le McDo avec notre invité, c'est donc José Bové. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans les studios de France Bleu Aix-en-Provence, France Bleu Provence, pardon, à Aix en Provence. La première question que je voudrais vous poser est la suivante. Après tout, 20 ans après ce combat-là, presque 20 ans pile d'ailleurs, est-ce que vous trouvez que le retour sur investissement de votre combat est satisfaisant aujourd'hui? Alors en tout cas, ce qui est assez incroyable, c'est que 20 ans après, la remise en cause du modèle agricole industriel est quelque chose qui est tout à fait évident. La question de la standardisation de l'alimentation est très clairement aujourd'hui un combat, au moins une prise de conscience. D'ailleurs, on le voit à travers, par exemple, la consommation de produits laitiers de vache ou de viande animale qui diminue, parce que les gens prennent conscience qu'il faut parfois mieux manger que manger beaucoup. Et donc, tous ces débats sont rentrés. Mais ce qui a été effectivement le plus important, ça a été la remise en cause de ce système qu'on appelle le libre-échange, où là, il y a une prise de conscience qui a touché, je dirais, toutes les formations politiques, tous les syndicats, alors qu'aujourd'hui, ben, on voit que ce mouvement continue à s'amplifier et que les premières conséquences, et c'est le discours nouveau qui est lié à celui-là, c'est le lien avec le changement climatique, parce que, très clairement, plus on augmente les échanges, plus on veut faire de l'agriculture industrielle, du soja, du bœuf, eh bien, la conséquence première, c'est par exemple le déboisement de l'Amazonie, la destruction des forêts en Indonésie pour faire de l'huile de palme, etc., etc., et aussi en Afrique. Donc on a aujourd'hui une réalité qui s'est amplifiée avec une prise de conscience. Le plus difficile, c'est de faire changer les choses. Et là, je dirais que on a beaucoup de doubles discours au niveau politique. Donc, ce que je lis entre les lignes, d'ailleurs à travers vos paroles, c'est que le bilan de ce combat, il est positif globalement quand même. Vous n'avez pas perdu votre temps, c'est ça que vous me dites aussi. Je dis que ce combat qui avait été initié quelques années avant, ça a été redit d'ailleurs dans le sujet par des gens, des mouvements comme ATTAC, comme la coordination contre l'OMC, tous ces discours avaient été construits, mais la prise de conscience s'est faite, c'est vrai, par le démontage du McDo, parce que les gens ont compris que à travers ce qu'ils mangeaient au quotidien, la mondialisation rentrait dans leur assiette. Et c'est vrai qu'on a gagné, je dirais, 10 ans de pédagogie suite à cette action. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à la juge d'instruction quand elle a décidé de me mettre en prison en 99. Je lui ai demandé de me serrer la main et je lui ai dit merci, vous venez de nous faire gagner 10 ans parce que les gens vont comprendre. Et les gens ont compris. Alors, moi ce que je comprends, et vous avez raison de dire les gens, ça veut dire que si on parle par exemple d'agriculture raisonnée, on pourrait parler de consommation raisonnée maintenant. Finalement, la solution, ce sont les consommateurs qui l'ont. Très clairement, le premier acte politique, c'est son choix d'alimentation. Parce que chacun choisit au quotidien ce qu'il veut mettre dans son assiette. Ce qui fait que quand on pousse un caddie, quand on va faire ses courses, on mène une action politique dans son choix d'alimentation. On n'est pas obligé d'acheter de la bouffe industrielle sous cellophane. On peut choisir d'aller se servir dans des AMAP, des lieux, le lien direct avec les producteurs, de plus en plus de marchés paysans. Alors on va me dire, c'est limité à un certain nombre de personnes, c'est en train radicalement de changer. Et d'ailleurs, le poids de l'agriculture biologique aujourd'hui est décuplé. Je dirais qu'en 20 ans, on a augmenté de manière considérable le nombre d'agriculteurs. Et je dirais que là aussi, les scandales sanitaires et aussi le rôle de plus en plus néfaste et reconnu des pesticides comme le glyphosate, les insecticides tueurs d'abeilles, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est évident. Maintenant, il faut créer ce rapport de force. Alors, c'est pas simplement le choix au quotidien qui le fera, mais ça veut dire aussi qu'il faut pas se tromper et qu'il faut toujours être en permanence mobilisé face à nos gouvernants qui en permanence peuvent avoir un discours qui va dans ce sens-là, mais qui en permanence signent tous les accords de libre-échange. On l'a vu avec le CETA, on le voit, ça risque d'arriver avec le Brésil, et on va nous expliquer toujours, non mais il y aura peut-être quelque chose de bien qui va en sortir. Là, on reste toujours dans ce discours dominant, et là j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup changé depuis 20 ans. Bon, alors un autre aspect à aborder ensemble concernant l'action de l'année 99, c'est la médiatisation, voire parfois surmédiatisation. Quel est votre regard sur les événements sous cet angle-là, 20 ans après ? Ouais. Ce que dit Jean-Émile Sanchez est tout à fait juste, hein, et on l'avait discuté entre nous, on en a discuté souvent, et quand on a préparé le procès de Millau, on était parfaitement conscient de cette réalité-là. À un moment, se pose la question, est-ce qu'on accepte ou pas que quelqu'un soit mis en avant, parce que ça va permettre aussi de porter le discours. C'est ce qui a été décidé. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, il faut l'assumer individuellement, mais il faut aussi l'assumer collectivement. Et quand on est un mouvement syndical, c'est pas évident d'entrer dans cette dynamique-là. On a essayé de le faire comme on a pu. Peut-être qu'on a fait des erreurs à certains moments. Peut-être que moi-même, j'ai des choses que j'aurais pas dû faire ou pas. Mais voilà, je dirais que globalement, le fait que 20 ans après, on en parle, ça montre malgré tout que quelque chose a changé grâce au 12 août 99. Alors, c'est anecdotique, mais tout de même, ce surnom d'Astérix, ça vous plaisait ? C'était marrant. Ça, ça fait partie des gauloiseries habituelles. Le fait d'avoir la moustache ne se transforme pas en quelqu'un de bande dessinée. Mais c'est vrai que c'était presque une remarque, je me souviens, de Lionel Jospin à l'automne 99, quand il essayait de minimiser ce qui s'était passé. Avait dit, oui, on a eu Tarzan chez les routiers. Maintenant, on a un autre personnage du même type. En gros, ça va passer... Une fois que les mois auront passé, eh bien, plus personne ne se rappellera de ce qui s'est passé à Millau. Les événements l'ont fait mentir, la preuve, hein, 20 ans après. On va écouter un extrait ensemble d'Entendez-vous l'écho, diffusé sur France Culture en mars 2018 sur le thème du géant McDonald's. La journaliste Maëlys Bessery interroge Frédéric Fréry, professeur de stratégie à l'ESCP Europe, et voilà ce qu'il dit. En fait, on peut dire que José Bové a réussi son coup, c'est-à-dire qu'il voulait que ce soit plus de la malbouffe mondialisée, et le résultat, c'est que McDonald's a beaucoup plus développé l'approvisionnement local. Alors, faut expliquer ça. McDonald's, en fait, a tenu compte probablement de ces critiques-là. Le directeur qui a été nommé à ce moment-là, Denis Hennequin, qui a été un personnage important, directeur de McDonald's France, hein, Denis Hennequin, est quelqu'un qui donc, face à cette contestation qui prenait de l'ampleur, s'est dit il faut faire quelque chose, et c'est lui donc qui a beaucoup plus localisé les approvisionnements, localisé un certain nombre de produits, puis après symboliquement, c'est lui aussi qui a changé le fameux logo, hein, qui est plus sur fond rouge mais qui est sur fond vert, pour montrer qu'on était moins agressif en tout cas. Voilà. Et comme quoi la stratégie de McDonald's en France a changé. Logo vert, service à table, campagne de publicité qui évoque le soutien de la firme aux agriculteurs français. Donc une évolution qui vous satisfait, j'imagine ? Je dirais que là, on est vraiment dans de la com, mais dans de la com qui a été bien organisée par les communicants autour de la firme. D'ailleurs, ils avaient retiré leur plainte et ils n'étaient pas partie civile au procès. C'était déjà le premier stade pour essayer de reprendre la main. Mais comme j'ai souvent dit, c'est pas la provenance des produits qui compte simplement, c'est aussi la qualité. Parce que faire de la viande industrielle aux États-Unis, au Brésil ou en France, ça reste toujours de la viande industrielle. Moi, j'appelle plus ça des fermes industrielles, j'appelle ça des usines à viande. On peut avoir la même chose en culture végétale. Donc la question de la remise en cause du modèle reste toujours là. Et je dirais que ce type d'alimentation industrielle, il y a plein de chaînes qu'on pourrait citer aussi, elles sont toutes sur le même modèle. Il faut produire à l'identique, reconstituer la viande, reconstituer les différents morceaux, les réagglomérer ensemble pour ensuite faire quelque chose qui puisse être de masse. À partir du moment où on mange de cette manière-là, on est forcément dans le logique dominant qui détruit par conséquence derrière le climat, mais je veux aussi qui détruit les différentes cultures de la planète où on a une standardisation du goût. Alors, je vais vous poser la question de façon encore plus directe. Est-ce que, selon vous, McDonald's rime toujours avec malbouffe ? Pour moi, très clairement, McDonald's et les autres chaînes, parce que c'est un tout, c'est toujours de la malbouffe, au sens où, pour alimenter ces chaînes, il faut l'agriculture industrielle. Et en même temps, pour que ça puisse être vendu aux quatre coins de la planète, il faut que c'est le même goût. Que celui qui va à Los Angeles, à Millau, à Hong Kong ou Dieu sait où, eh bien, puisse retrouver exactement le même goût de son steak haché dans son pain de mie. C'est exactement le même modèle. Donc voilà, je dirais qu'ils ont réussi un coup extraordinaire qui est de standardiser les goûts et de donner envie de aux gens de le retrouver. Et ça, il faut pas le nier. Néanmoins, il faut continuer ce combat sur la diversité. C'est pour ça que ce combat entre le Roquefort et l'alimentation industrielle était important, parce qu'elle mettait le doigt sur cette logique de la relocalisation de l'économie, sur la nécessité de refaire le lien. Pourquoi est-ce qu'on va importer de la viande aux hormones alors qu'on est en capacité de produire et qu'on surproduit en Europe de la viande? Ça n'avait évidemment pas de sens. Pourquoi pousser l'élevage industriel de cette manière-là, que ce soit pour les poules, que ce soit pour le lait ou pour la viande, ça n'a pas de sens et ça ne correspond pas aux besoins. Aujourd'hui, on a 30% des denrées qui sont gaspillées et qui sont jetées. Donc, on pourrait produire différemment, on peut produire en agriculture biologique et surtout, on pourrait, avec ça, installer beaucoup plus de paysans, parce que malheureusement, plus ce processus avance, moins il y a de paysans, ce qui est quand même le paradoxe. On se retrouve dans 3 minutes, José Bové, pour continuer cette discussion autour d'un nouveau paradigme agricole et de consommation à trouver, même si ça avance. Hey yo, we was having a ball, and you know, they asked me to get on the mic, and they asked me, can I kick it? Words. Can I kick it? Like a tribe does. Before this, did you really know what I was? Comprehend to the track force. Why? Cuz getting mentions on the tip of the vibe buzz. Rock and roll to the beat of the funk fuzz. Wipe your feet really good on the rhythm rug. If you feel the urge to freak, do the jitterbug. Come and spread your arms if you really need a hug. Afrocentric living is a big shrug. A life filled with, that's what I love. A lower plateau is what we're above. If you diss us, we won't even think of. We'll nip of the dog and give a big shove. This rhythm really fits like a snug glove. Like a box of positives, it's a plus love. As the trial flies high like a dove. Boy, this track really has a lot of flavor. When it comes to rhythms, Quest is your savior. Follow us for the funky behavior. Make a note on the rhythm we gave you. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Notre invité, José Beauvais. Depuis plusieurs mois, José Beauvais, on vous voit apparaître sporadiquement aux côtés de la conf contre le bleu de brebis. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les ressorts de ce nouveau combat? Alors, c'est assez simple. À Roquefort, il y a plusieurs industriels. Le plus connu s'appelle Société, Société des Caves de Roquefort. Or, depuis quelques mois, cette entreprise a décidé de lancer une imitation de Roquefort avec du lait de brebis, des ferments mais très différents, dans un empaquetage identique au Roquefort et surtout avec l'ovale vert de la marque Société. Ce qui fait que les gens se trouvent trompés quand ils font leurs courses et que donc ils croient acheter éventuellement du Roquefort et ils achètent un autre produit. C'est parfaitement scandaleux parce que si cela était accepté, ça veut dire que demain, eh bien, on n'aurait plus besoin des caves de Roquefort, qu'on n'aurait plus besoin d'un cahier des charges d'appellation protégée. On pourrait aller faire ça n'importe où, dans n'importe quelle industrie. On n'utiliserait plus des caves, mais des frigos. Bref, des firmes qui font cela, qui sont d'ailleurs propriétaires, pour pas le nommer, de Lactalis, eh bien, sont en train de détruire ce qui fait la spécificité d'un territoire et d'une appellation. Donc, il faut pas simplement se battre, évidemment, contre les accords de libre-échange comme on l'a fait il y a 20 ans, qui empêchaient le Roquefort de rentrer aux États-Unis, mais il faut protéger ses produits. Et ça paraît d'autant plus aberrant qu'à l'heure qu'il est, dans toute l'Europe, mais je dirais même au niveau international, de plus en plus de pays reconnaissent des appellations dans des tas de domaines parce que c'est de la spécificité d'un endroit, d'une région, d'une façon de faire. Il y a eu un grand rassemblement en Italie il y a 15 jours, à Bra, sur la défense des fromages fermiers, des fromages de qualité, des appellations. Et je dirais que Société des Caves est en train de partir complètement dans un mur en faisant ça. Mmh. Donc, si ils n'arrêtent pas le produit dans les semaines qui viennent, eh bien, on les attraquera devant le tribunal. Mais d'ores et déjà, moi, j'ai envie de dire à tous les auditeurs, si vous voyez un produit bleu de brebis Société, refusez de l'acheter et allez voir le vendeur, le marchand, le directeur de supermarché en lui demandant de retirer ce produit qui est une imitation et qui tue le Roquefort. Alors, la Confédération paysanne mène ce combat. Qu'en est-il de ce qu'on pourrait appeler la gauche paysanne, 20 ans après l'action de Millau? Je dirais que la Confédération paysanne est toujours la deuxième organisation au niveau national. Elle a fait entre 25 et 30% des voix aux dernières élections Chambre d'agriculture. Ça veut dire qu'un paysan sur trois se reconnaît dans la Confédération paysanne et qu'au niveau international, le combat pour la souveraineté alimentaire est un des combats les plus importants qui est aujourd'hui un des fers de lance de la relocalisation de l'alimentation. Parce que qui dit relocalisation dit être maître de sa production et évidemment pour le consommateur maître de ses choix. Et c'est aussi une façon de dire aux multinationales, c'est pas vous qui allez décider, surtout au moment où l'enjeu principal, et c'est ça la grande nouveauté depuis 20 ans, c'est que la question du réchauffement climatique est intimement liée au mode de production agricole. Toute dernière chose, José Beauvais, Jacques Chirac mort, ça vous a pas échappé, hein, décédé jeudi, c'est aujourd'hui l'hommage national. On sait à quel point cet homme aimait manger, c'était vraiment un art pour lui. Quel a été son regard sur votre combat? Rapidement, que quelques secondes. Je dirais que c'est le même jour que est enterré un de nos amis aussi, aujourd'hui même, Louis Joinet, qui a été un des grands défenseurs du Larzac, un grand juriste qui nous a beaucoup soutenus, et je pense que c'était important de lui rendre hommage. Je dirais que Monsieur Chirac était très méfiant par rapport à notre mouvement. Et quand, avec François Dufour, on lui a remis le livre « Le monde n'est pas une marchandise » qui raconte une histoire au Salon de l'agriculture, il a tout fait pour nous éviter. Bon. Il a été quand même obligé de le prendre. Il y a une photo qui montre qu'il est très embarrassé et qu'il n'a pas du tout envie de discuter avec ça. Je pense que ses liens avec la FNSEA étaient évidents et que donc, dire quelque chose de sympathique à la Confédération, c'était pas possible. Mais ça faisait pas, c'était pas de là que notre différence existait. Ouais. On avait eu aussi la reprise des essais nucléaires et avant tragiquement la grotte d'Ouvéa où cyniquement il avait donné l'ordre d'attaquer dans l'entre-deux-tours des présidentielles en 88. Merci José Bové, ce sera le dernier mot, pardon de vous avoir un peu brusqué sur la fin, mais l'heure c'est l'heure. Au revoir, merci. Au revoir, merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. José Bové, le démontage du McDo de Millau à la technique il y avait aujourd'hui. Je les en remercie, Charles Pellabon et Clément Berman.